Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durusul Madina, Al-Juzuthani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil Al-Martiniki, Hafidhullahu Ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyat Bidammaj, au Yémen, cours numéro 21. Nous demandons à Allah Subhanahu Wa Ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillahir Rahmanir Rahim. الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان اليوم الدين أما بعد طيب ندخل في الدرس الحادي وعشرين مباشرة 21 درس qui lui se rapporte au jazm et aujourd'hui on va prendre deux nouveaux harf dans le jazm. On va prendre lam qu'on a déjà pris auparavant, mais bon là le درس se rapporte à lui, et lamma. طيب Et le sens, Inch'Allah, va apparaître dans le cours, en lui-même. Taïeb. Donc, c'est un akra, un ta, takra et tout l'eb, ou un as, akra, et le mudarris, Inch'Allah. Ou bilax. Non, parce qu'il y a plus de tout l'eb, il y a plus de lecture. Il y a plus de lecture. Attends, qu'est-ce que je dis? Dans ce vers-là, même deux, c'est pas beaucoup quand même. Ouais, oui. Pas beaucoup dans ce vers-là. Après, Inch'Allah. Ibda. طيب الطلاب يقولون كيف حالك يا أستاذنا؟ donc comment vas-tu oh notre professeur؟ بخير أحمد الله وأشكره أنا ما أرى هارون ألم يحضر؟ donc il dit بخير on se traduirait par je vais bien. أحمد الله وأشكره c'est je loue Allah et je le remercie. Je ne vois pas هارون n'est-il pas venu؟ donc là ألم là le alif c'est alif استفهام. Et l'âme, c'est l'âme qu'on va prendre dans le dars, qui est Hafr Jazm. Donc Yahdour, il est majdour avec une soukoun. Naam. Tout le biakouloun. Naam. Inoun lam Yahdour il yom. Donc ils disent oui. Certes, il n'est pas venu aujourd'hui. Wa ayna asdiqa'uhu thalatha. Donc il dit où sont ses trois camarades ou ses trois amis. Tout le biakouloun. Hum aida lam Yahdouru. Et eux également ne sont pas venus. أتعرفون أين ذهبوا؟ savez-vous où ont-ils été؟ أحد الطلاب، un des طلاب، dit أظن أنهم ذهبوا للمطار لاستقبال رئيسهم الذي يأتي اليوم من المدينة المنورة لزيارة المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il dit je pense qu'ils ont été à l'aéroport pour recevoir ou accueillir leur président, celui qui vient aujourd'hui de المدينة النبوية afin de visiter le masjid du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, avez-vous écrit les devoirs, ô mes fils? Pour le biakoulou, naam katabna. Oui, nous avons écrit. Ali yakoul, ana lam aktoub. Il dit, moi, je n'ai pas écrit. Lima lam taktoub ya bunay. Pourquoi n'as-tu pas écrit, ô mon cher enfant? Voilà, comme ça, cher fils. Ali Yakoul, Liennani lam afhamid darsa. Il dit que parce que je n'ai pas compris le cours. Man ladi lam tafhamu fi darsa. Que dit quelle chose n'as-tu pas compris dans le cours? Ali Yakoul, lam afhamu farqa bayna al-jumlati al-ismiya wa al-jumlati al-fi'liya. Donc il dit je n'ai pas compris la différence entre la jumla ismiya nominale et la jumla fi'liya verbale. La phrase verbale, la phrase nominale. Mais je n'aime pas traduire parce que quand on dit verbal, à la base, verbal, c'est prononcer une chose. Et quand on dit verbal, il veut dire le verbe. Comment tu vas traduire? On laisse comme il est. Je vais me faire lire, c'est la base. Non. Ça y est, Abbas, c'est cool. Kassirum netouleb, lam yafhamu haza. Donc Abbas, il dit beaucoup d'étudiants n'ont pas compris cela. Al-Hussein, il cool. Sa'altu akhawati allati yadlusna fil madrasati thanawiya. Donc, Al-Hussein dit, j'ai interrogé mes sœurs, celles qui étudient au collège. Au collège, sur le sujet, et elles ne savaient pas. السيارة جميلة حامل مريض آمنة مجتهدة فكل جملة من هذه الجمل أولها اسم وهو المبتدأ والجزء الثاني وهو الخبر المبتدأ والخبر مرفوعان أفهمتم؟ Donc le modèle s'est dit, je vais vous expliquer ce cours une autre fois encore maintenant. Écoutez, la jumla ismiya, c'est la jumla, c'est la phrase dont qui débute par un ism. Il dit awalu ism, nous on traduira qui débute par un ism, un nom. À l'exemple de, nahula ça veut dire à l'exemple de, ou tel que, as-sayyara jamila, la voiture est belle. Hamidun maridun, Hamid est malade. Aminatu mujtahidatun, ou Amina est studieuse. Donc, toute phrase parmi ces phrases-là débute par un nom. Et ce nom, c'est le Mubtada. Et la deuxième partie, le Dieu de Sani, comme il dit, la deuxième partie, c'est le Khabar. Et le Mubtada et le Khabar, tous les deux sont marfou. Avez-vous compris ? Tullab yakulun nam fa'imnahu jayyidan. Nous l'avons compris. Ils disent oui, nous l'avons compris. Nous l'avons très bien compris. Abbas yakul. Ana lamma afham. قلت إن المبتدا والخبر مرفوعان فما معنى المرفوع؟ Donc Abbas dit أنا لما أفهم. Donc là لما c'est un حرف جزم pareil qui veut dire pas encore ou toujours pas. Là la phrase c'est moi j'ai toujours pas compris ou j'ai pas encore compris. قلت tu as dit que le مبتدا والخبر sont tous les deux مرفوع. Donc que veut dire مرفوع؟ المرفوع هو الاسم الذي في آخره ضمة نح المدرس الكتاب الباب. Donc le mudarris dit le marfou c'est le nom dont la fin est une dhamma, la harakat à la fin est une dhamma, tel que al mudarrisu al kitabu wal babu. Et de, ça aurait été plus complexe s'il avait dit c'est le nom qui a une dhamma à la fin ou ce qui peut remplacer une dhamma, parce qu'il y a des mots qui n'ont pas de dhamma, ils sont marfou comme des, on a déjà pris certains. Non abbas c'est cool al m fahimto, il dit maintenant j'ai compris. أما الجملة الفعلية فهي الجملة التي أولها فعل نح دخل المدرس قال المدير يكتب الطالب ففي كل جملة من هذه الجمل كلمتان الكلمة الأولى فعل والكلمة الثانية اسم وهذا الاسم الذي يأتي بعد الفعل اسمه الفاعل الفاعل مرفوع أفهمتم؟ Donc le Moudaïs dit, quant à la Jumla Fi'liya, la phrase verbale comme il traduirait, c'est une phrase qui débute par un verbe, tel que Dakhala Mudarrisu, l'enseignant est rentré. Qala al-Mudiru, le Moudir a dit. Yaktubu Talibu, l'étudiant écrit. Enfin, toutes ces phrases, parmi ces phrases, il y a deux mots. Le premier mot, c'est un verbe. Et le deuxième mot, c'est un nom. Et ce nom-là, qui vient après le verbe, c'est le fa'il, le sujet. Et le fa'il est marfou. Avez-vous compris? Le sujet, j'ai dit sujet ou... C'est ça? J'ai dit sujet moi? Non, t'as dit. Et le sujet est marfou. C'est-à-dire prendre damma ou ce qui le remplace. Afahimtum, avez-vous compris? At-tulab yakulu na'am fahimna walhamdulillah. Donc ils disent, oui, nous avons compris, la louange est à Allah. Ali yakul, ya ustaz, kulta qabla yawmayn ana kalimat thalathatu aqsamin. Ma hiya? Ana nasituha. Donc il dit, Ali, au professeur, tu as dit il y a deux jours que les mots se divisent en trois catégories. Donc, que sont ces catégories? Là, ils disent Mahia, mais non traduit par que sont-ils? Ou quelles sont-ils plutôt ces catégories? Je les ai oubliés. Il dit, moi, je les ai oubliés. Donc, qui connaît cela? Hashim, Yakul, Ana, moi. Aqsamul kalimati al ism wal fi'l wal harf. Donc il dit les catégories de mots, c'est-à-dire en langue arabe, sont le nom, le verbe et le harf que ils traduisent par particule. Hata mithala li kulli wahid minha ya Amr. Les sandek? Ouais. Tfaddal. Donc donne un exemple pour chacun d'entre eux. Oh Amr. Amr yakul. Al ism nahu kitab. Donc le nom comme par exemple kitab, livre. وقلمون ستيلو وطالبون وإلف ورجلون أم ومدرسون أنسيان والفير et le verbe نحو خرجا sortir وسجدا se prosterner ويجلس il s'assoit. Il s'assoit. Il s'assoit. Parce qu'il y a plusieurs présents en français, c'est pour ça. Je sais pas comment vous allez dire français. Il y a plusieurs présents. C'est ça la complication chez nous. Wayarsilu, il lave. Waktub, écrit. Dernier sens, c'est le verbe en impératif. Wakra, il lit. C'est l'impératif. Naam. Il lit un impératif, naam. Wal harf nahu, et la particule, comme fi, qui veut dire dans. Wa ilay, qui veut dire vers. Wa min, qui veut dire de. Attends, un fouet. Wa naam, qui veut dire oui. Et naam, c'est un harf jawab. Ça s'appelle harf jawab, c'est une réponse, particule de réponse. Wala, le contraire, qui veut dire non. Walen, len c'est quoi len? Len harf nazm, qui veut dire une négation au futur, qui rentre dans le verbe, c'est harf nazm. Walam, et lam ça c'est quoi? Harf jazm, comme ça vient dans le texte. Qui veut dire, c'est une négation, comme on va le voir, qui rentre dans un fi'l mudhari', mais qui fait quoi? Que ça tombe au passé. On va voir ça, inshallah. Wassin, comme kama fi sa akul. Comme le sin, comme lorsque tu dis sa akul, c'est-à-dire je vais manger. Sin qui est harf istiqbal, c'est les mustaqbal, c'est les. La particule qui démontre un futur. Naam. Faddal. Naam. Ahsanta ya amru. Istarihu qalila. Nabda'u darsa al-jadida fi hissati al-qadima. Donc il dit, tu as bien répondu. Ahsanta, c'est tu as bien fait, mais on va dire tu as bien répondu. Oh, am. Istarihu qalila. Reposez-vous un petit peu. Nabda'u darsa al-jadid. Nous commençons le nouveau cours dans la prochaine séance. Dans la prochaine séance, naam. Hissa, on dit à la séance là. Mais bon, on peut dire cours aussi là, comme ils sont à l'école. Naam. Hashim Yakul. Arajan Mudiru min Mekkata ya Oustaz. Est-ce que le directeur est revenu de Mekka au professeur? Lamma Sayarjia. Là. T'as vu? Quoi? Lamma, tu t'arrêtes après, tu poursuis. Parce qu'on va croire que ça fait la même phrase. Tu dis Lamma. Point. Après, c'est notre phrase. Bah oui. Point. Lamma. سيرجع بعد يوم إن شاء الله يومين يومين نعم يومين إن شاء الله نعم. Donc quand il dit lendemain, on a dit c'est quoi lendemain? Pas encore. Il n'est pas encore revenu. Parce que lendemain, comme ça vient dans le verset, tu peux le mettre tout seul, sans mettre de phrase derrière. Il y a un tokdir, tu vois. Le tokdir c'est quoi? C'est la question qu'on t'a posée. Ça vient inshallah. Donc là il a dit lendemain, genre il n'est pas encore revenu. Il va revenir dans deux jours, إن شاء الله. Ensuite, après 5 minutes, بعد 5 دقائق, 5 minutes après, أنبدأ الدرس الجديد. Qui dit, est-ce que nous commençons le nouveau cours? طلاب يقولون, مهلا يا أستاذ, لما نكتب ما كتبت على السبورة. Donc, ils te disent, مهلا يا أستاذ. مهلا, c'est dire doucement. Tu vois, quand quelqu'un il va trop vite ou il s'excite, c'est مهلا. On va dire doucement. Doucement, professeur, nous n'avons pas encore écrit ce que tu écris sur le tableau. Naam. Donc le texte, mafoum, il est seul, un peu long, mais facile. Quand même, Tamarin, là, il y a juste un seul à faire pour demain. J'ai un Asil al-Atiya, juste celui-là. Les questions qui se rapportent au texte. Taïeb. Thanian, Yakul, ta'amel mayali. Mais dites ce qui suit. Donc là, il va te quoi? Te faire un bayen par rapport à lam. Taïeb, lam, harf jaz. Et lam s'appelle harf. Nafi, wa kolb, wa jazm. Nafi pourquoi? Parce que, tu te rappelles? Une négation. Et kolb, pourquoi? Kolb parce que c'est au passé. Parce qu'en fait, elle rentre dans le fil moudralir, dans le présent, mais elle fait que l'action se produit. En fait. Voilà. Et on va dire ça, non? Elle le retourne. Elle bouleverse le. Et elle fait qu'en fait, le sens de la phrase revient au passé, en fait. Si quelqu'un te dit, lam adhab, c'est comme si tu disais ma adhab tout. Et lam. Taïeb, l'âme, il rentre que dans le film Moudoralé. C'est tout. Donc, exemple, il dit Yadhabu, il va. L'âme Yadhab, avec l'âme Hafoujazm, ça veut dire quoi? L'âme Azhab, ça veut dire Ma Zahaba. C'est le même sens, tous les deux. La différence dans l'Irlab. Taïeb, la différence dans l'Irlab entre les deux phrases. Vas-y, lis les phrases qui suivent. Et essaie de les traduire si tu peux. L'âme Azhab, il a souk il yom. Yanni, je ne suis pas parti au marché aujourd'hui. Naam. Jumet Fania. Lamna l'Arab, Kuala Tassal Lati Ams. Nous n'avons pas joué au foot. Hein? Non, c'est pas foot. C'est quoi? Basket. Au basket? Salla, c'est pas mieux. Kuala Tassal. Le foot, c'est Kadam. Salla. Kuala Tassal Naam. Hier. Lamna Fhamhada Dars Jayyidan. Nous n'avons pas compris ce cours hier. Nous n'avons pas compris. Très bien. أردت أن أزورك البارحة ولكن أبي لم يسمح لي بالخروج ليلى. يعني j'ai voulu te visiter hier soir. Hier soir. البارحة c'est la veille dans la nuit. Mais mon père ne m'a pas permis la sortie يعني. Sortie de nuit. نعم. نعم أحسنت. خامسا. ألم تسمع الأداء؟ لا في السيزيام سلا. في السيزيام سلا. يلا سكينا هذا. تصدق الخاز. ألم أكل شيئا منذ يومين. نعم. يعني je n'ai pas mangé une chose depuis. Je n'ai rien mangé. نعم. Depuis deux jours. طيب. ألم تسمع الأذان يا هارون؟ بل سمعته. N'as-tu pas entendu l'Aden ou Harun? Par contre, moi, je l'ai entendu, Yannou. Dis. Non, c'est Harun qui dit si, je l'ai entendu. Belle, Samirto. Si, je l'ai entendu. Si, je l'ai entendu. Lam nadrus al-lughata al-arabiyyata fi baladina. Et nous n'avons pas étudié la langue arabe dans notre ville, dans notre pays. Non. لم يفتح البقالة الدكانة هو اليوم يعني البقالة تقول أرجع لبيسير لبيسير لبيسير n'a pas ouvert son دكان sa boutique hier لا اليوم aujourd'hui نعم تاسعا لم أشرب القهوة بعد صلاة الفجر اليوم يعني je n'ai pas bu de café après la prière du Fajr aujourd'hui. نعم. عشران. يعني غسلت المناديل ولم أغسل القمصان. يعني j'ai nettoyé, j'ai lavé. Les chiffons, les mouchoirs. Pour traduire. نعم. Les mouchoirs. Mouchoirs ou serviettes. Tu peux dire mouchoirs. Les mouchoirs, mais je n'ai pas lavé la camis. نعم. طيب أحسنت. ثانيا يقول وثالثا. Adjib an asilatil atiya bil nafi mustamilan lam. Donc réponds à la question suivante par négation en utilisant lam. Question, il dit quoi? Awalan, a darasta lughata al arabiyya fi baladika. As-tu étudié la langue arabe dans ton pays? Qu'est-ce que tu dis? Lam adrus al lughata al arabiyya fi baladi. Naam, ahsant. Donc je n'ai pas étudié la langue arabe dans mon pays. Thaniyan, a kasarta nazarat al hasan ya Harun. Donc as-tu cassé les lunettes de El Hassan ou Harun? Non. Lam aksir nazarat El Hassan. Dis la, lam aksir. Non, la négation d'abord. Non. La, lam aksir nazarat El Hassan. Non, طيب. ثالثا, ذهبتم الى المتحف الى المتحف يا اخوان. Avez-vous été au musée ou les frères? La. Lam nadhhab ila al muthaf. رابعا ادخلت المكتبه الجديده يا سلمى او دخلتي عفوا المكتبه الجديده يا سلمى et tu rentré dans la nouvelle bibliothèque au Salma لم ادخل المكتبه الجديده نعم خامسا اسالك او اسالك المدير عني est-ce que le directeur t'a interrogé à mon sujet لا لم يسألني المدير عن نعم لم يسألني j'avais compris lui يسألني c'est possible لا لم يسألني المدير عنك طيب سادسا أفتحت نافذة غرفة المدير يا ولد as-tu ouvert la fenêtre de la chambre du directeur ou enfant لا لم أفتح نافذة غرفة المدير يا Non. Donc maintenant il va quoi? Il va partir sur l'amma. Et l'amma c'est un harf de jazm pareil. Il a le même nom que l'am. C'est harf jazm wa kolb ou nafi wa kolb. C'est le même nom que l'am. La différence entre l'am et l'amma c'est que l'am c'est par exemple tu dis l'am afhal si je n'ai pas fait ou l'amma afhal si je n'ai pas encore fait ou je n'ai toujours pas fait. Mais inshallah tu vas le faire après. Et c'est la différence entre les deux. Mais pour le irlob, c'est pareil, le fil qui vient après l'amma et le majzoum. Donc il dit, comme l'autre, répond aux questions suivantes. avec une négation en utilisant la main. Tayeb, lui explique après, vite fait, il dit lam ma aktoub. Et ça veut dire quoi? Lam aktoub bard. Tu peux dire les deux. Tayeb, lam ma aktoub, si je n'ai pas encore écrit, ou lam aktoub bardou, quand on met comme ça, c'est pareil, c'est le même sens, c'est-à-dire je n'ai pas encore écrit. Marna huma ma katabtou il al en, je n'ai pas écrit jusqu'à présent. C'est ça que ça veut dire. Tayeb, jumel oula, afahimta adersa. As-tu compris le cours au Zainab? Lama afhami. Je commence par là. La. La. Lama afhami darsa. Non. Elle dit non, je n'ai pas encore compris le cours. Thanyen, araja abouka min Damesh, ya am ou Omar. Est-ce que ton père est revenu de Damas, comme on dirait? Dimashqa. Ou Omar? Omar. La. لما يرجع أبي من دمشق. نعم. Donc mon père n'est pas encore revenu de Dimash, Damas. ثالثاً أدخل المدرس الفصل. Est-ce que le professeur est entré dans la classe? لا لما يدخل لما attends لا نعم لما يدخل المدر لما يدخل المدرس الفصل. نعم. Il dit non, le professeur n'est pas encore entré dans la classe. رابعاً كتبتوا من الواجباتي يا إخوان. Avez-vous écrit les devoirs ou les frères? لا لما نكتب الواجبات. Non, nous n'avons pas encore écrit les devoirs. خامسا قرأنا الدرس الرابع. Donc il dit avons-nous lu le quatrième cours? لا لما نقرأ الدرس. Il dit non, nous n'avons pas encore lu le الرابع. نعم bien sûr. سادسا غسلتي قمصاني يا أمي. As-tu lavé mes قميص أو مير أو ما مير؟ لا لما تغسل القمصان. Là c'est le soulel mukhata, donc tu vois, متكلم. Tu vas répondre par متكلم. C'est la mère qui répond. لما أغسل. نعم. لما أغسل القمصان. طيب. سابعاً أذهب زميلك للطائف يا علي. Est-ce que ton camarade a été au Taif ou Ali? La, lama yadhhab zamili ila Taif. Donc il me dit mon camarade n'a pas encore été à Taif. طيب, eux ils disent quoi en dessous? Yajuz haf man fi lama. طيب, fa yumkinu al-iktifa bi lama faqat fi jawab. Masalan araja abuka ishtakul lama. Il te dit quoi? Qui t'est permis d'enlever la négation, c'est-à-dire la phrase qui vient après la main. Tu as le droit de l'enlever. Et tu peux te contenter juste de la main tout seul. Par exemple, on te dit Arja Abuka. Tu peux dire la main Yarjia Abi. Ou tu peux dire la main. Tu t'arrêtes. Et quand tu dis la main, il y a un temps de dire, c'est la phrase, elle est sous-entendue. Tu as le droit de dire juste la main tout seul. Bon, la phrase d'après, on n'a pas besoin. Un truc par rapport au Darija. Non, on passe directement au cinquième. Ta'ammel sir al-mudari al-majzoum. Donc il te dit, regarde bien la forme du présent quand il est majzoum. Quand il y a harf jazm qui est entré sur lui. Il dit, awalan, alamat al-raf al-damma ou alamat al-jazm al-sukun. Donc il dit, le signe du raf, c'est quoi? C'est la damma dans le fi'l. Et la alamat du jazm, le signe du jazm, c'est sukun. Par exemple, il dit huwa yadhhabu. Là, c'est marfou. Donc, le majzoum, c'est huwa lam yadhhab avec une sukun. Hiya tadhhabu marfou avec une damma. Hiya lam tadhhab majzoum avec une sukun. Anta tadhhabu marfou avec une damma. Anti ou anta lam tadhhab majzoum avec une sukun. Ana adhhabu marfou avec une damma. Ana lam adhhab majzoum avec une sukun. Nahnu nadhhabu مرفوع avec une damma. Nahnu lam nadhhab majzoum avec une sukun. Ça c'est pourquoi pour tout ce qui n'est pas parmi les afal et khamsa et tout ce qui n'a pas non plus un harf illa à la fin. Tu te rappelles tout ce qui n'a pas de ya ou de waw ou de alif à la fin. Donc tous ces verbes là ils prennent quoi? Une damma quand ils sont majzoum. Alamat jazmiha ad damma. Après maintenant il vient quoi avec les afal et khamsa? Il dit alamat raf thubut an-nun wa alamat jazm hasfuha. Il dit donc le signe du raf dans les afal et khamsa, ceux qui ont un domir qui est attaché, leur signe du raf, c'est quoi? Le noun. Et le signe de leur jazm, c'est qu'on enlève son noun, comme le nas. C'est le même signe, on enlève le noun. Mais ça nous dit, hum yadhaboun. Donc là, il est marfou avec quoi? Hum yadhaboun. Marfou avec le noun. Takul hum lam yadhabou. Donc là, il est majzoum avec hasfun noun, on enlève le noun. Antum tadhabouna, marfou avec le noun. Antum lam tadhabou, majzoum sans le noun. Anti tadhabina, là, il est marfou avec le noun. Anti lam tadhabi, majzoum sans le noun. Ça y est. Et on avait dit quoi lorsque un verbe est attaché au noun ni soi? C'est quoi ce hukm? Il est même ni. Donc ça veut dire il ne change pas. Ni dans le nasb, ni dans le raf, ni dans le jazm. Donc il va dire quoi? Hunna yadhabna. Elles vont. Ça y est. Donc là le fa'il c'est quoi? Le noun ni soi. Yadhabna. Enfin, quand tu les majoum, tu dis quoi? Hunna lam yadhabna. Il est aspari. Il ne change pas. Antunna tadhabna. Là il est marfou, ou plutôt fi mahal raf. Il est en situation de rof, mais il est même ni, donc tu vois pas de signe. Et au jazm, il dit Antunna lam tadhabna. Donc là, il est quoi en situation de jazm? Mais seulement, tu vois pas le signe. Et c'est tout le temps comme ça avec l'unni soi. Le fiel n'est même ni. Il dit Sadisan Atril lem fil al al afal atiya. Donc rentre lem dans les verbes suivants. Adhabu. Qu'est-ce que t'as lem al al. Nam. Yadhabouna. Attends deux secondes, j'ai perdu la page. 150. Lam yadhabou. Nam. Yadhabna. Lam yadhabna. Nam, mais les mêmes lits ne changent pas. Tadhabina. Lam tadhabi. Nam. Tadhabou. Lam tadhab. Nam. Tadhabouna. Lam tadhabou. Tadhabou. Lam tadhab. Ah, nadhabou, enfin, j'ai dit natas, c'est un noun. Nadhabou. Lam nadhab. Tadhabna. Lam tadhabna. Nam, même lits que nous n'y soyons. Wa yadhhab. Lam yadhhab. Naam. Sabian, il dit akmil al jumal atiya bi wad af'al munasaba fi al amakin al khaliya. Donc il dit remplis les phrases suivantes en mettant un verbe correspondant dans les trous. Alam tadrusi al lughat al arabiyyata fi baladik ya akhi? Naam, n'as-tu pas étudié l'anglais dans ton pays, oh mon frère. Ahsant. Thanian. من كسر هذه الامرأة يا علي ها هذه ايش مرآة مراء سميه هو اه لكم نعم مرآة نعم من كسر هذه المرآة يا علي لا ادري انا لم اكسرها نعم دي كي كسر ميغوا او علي دي je ne sais pas moi je n'ai pas cassé ثالثا اخرج طلاب من الفصل يا حامد Là, لم يخرجوا. Non, il dit est-ce que les tous les sortis de la classe au Hamid, il dit non, ils ne sont pas sortis. Rabia. قالت المدرسة للمديرة إن هؤلاء طالبات لم تكتبن الواجب. يا. Quoi? Non. تكتبن. Qu'est-ce qu'il y a? يا. C'est pas la tatoum. Comment ça? Là, c'est un roïb. Ah non. C'est une tatoum, c'est un tounna. Non, non. Là, c'est un roïb qui vole. Hunna, il vole. Donc, tu dis? Yaktounna. Aïe, ouais, avec le ya, yaktounna. Ah, ben, tu j'y vais. Aïe, ouais, djibat. Nam, inna haoulaï talibati, lam yaktounna l'wajibat. Nam, enceinte. Donc, l'enseignante a dit à la directrice, certes, ces étudiantes-là n'ont pas écrit leurs devoirs. Nam. Khamisan. Nahnu lam nadhab. إلى حديقة الحيوانات أمس. Donc il dit nous ne sommes pas nous n'avons pas été au zoo hier. Sadisan. يعني كنست أختي غرفتها ولم تكنس ولم تكنس غرفتي. نعم. Il dit ma sœur a balayé sa chambre mais n'a pas balayé la mienne. سابعا. لما لم تأكلوا الفواكه يا إخوان. Non, mais dit pourquoi ne mangez-vous pas, n'avez-vous pas mangé des fruits, oh les frères. Faminam. Ya Salma, alam tatham ma'ana hadi kalima. Oh Salma, n'as-tu pas compris le sens de ce mot? Gracias. Ran al-jarasul ana, walamma lam yu, walamma ولما يخرج المدرسون ولما ايش ولما ولما يخرج le bon le verbe il est bon c'est juste quand tu l'as donc il dit la cloche a retenti maintenant et le les professeurs ne sont pas encore sortis de la classe ou des classes نعم عاشرا نعم لماذا لم تفتحنا النوافذ يا بنات نعم pourquoi n'ouvrez-vous pas les fenêtres aux les filles حادي عشر لم يرجع الوزير من لندن نعم donc il dit le ministre n'est pas revenu de Londres طيب فهمنا يقول ده خطا واحدا تحت المبتدا وخطين تحت الخبر وضبط أواخرها طيب تجيز جار المبتدا اللي خبر اللي هو اولا الماء قليل اللي يبدو ما دي تحت المبتدا يكري كوالي تحت المبتدا سا خطأ نعم تحت المبتدئي نعم مضاف لي فتحت الماء قليل لو اي بو دونك المبتدا اللي هو الماء ايوه الخبر قليل احسنت سعاد ممرضة سعاد مبتدا ممرضة خبر نعم سعاد سوينيونت القهوة باردة القهوة مبتدا باردة خبر نعم الكافيه اخوان النجوم جميلة. Les étoiles sont belles. النجوم مبتدأ جميلة خبر. نعم. الدخول ممنوع. L'entrée est interdite. الدخول مبتدأ وممنوع خبر. نعم. سادسا الباب مغلق. La porte est fermée. باب مبتدأ ومغلق خبر. نعم. سابعا هاشم ذكي. هاشم est intelligent. هاشم مبتدأ ذكي خبر طيب تاسعا ميز الجملة الاسمية من الجملة الفعلية donc il distingue entre la phrase la jumla ismiya phrase nominale comme il dirait hein et la phrase verbale jumla fi'liya خرج المدرس c'est quoi ça جملة فعلية نعم المدرس خرج اسمية نعم ضحك الولد فعلية نعم الزهرة جميلة اسمية اسمية نعم دخل الطالب فعلية نعم الله أكبر اسمية أحسنت عاشرا عين الاسم والفعل والحرف فيما يلي regarde celui-là on laisse on va l'ajouter quoi au dirge de demain on en parlera dans le dirge de demain celui-là c'est-à-dire quoi il faudra juste se remettre en tête C'est quoi les signes du ism? Alamat al-ism, wa alamat al-fi'l, wa alamat al-harf. Et ça, ça a besoin d'un petit kalem. Vous voyez? Parce que toi, tu vas le faire là maintenant. Il y a quelqu'un qui ne sait pas, parce que le ders, il n'a pas dans le kitab. Donc, c'est un truc qu'il faut qu'on rajoute nous. C'est vrai, comment on va s'y prendre? Demain, en fait, quand on va faire le. Inch'Allah, on va faire ça. On va faire un récapitulatif de quoi? Des alamat al-ism, wa alamat al-fi'l, wa alamat al-harf. Et après, pour. Ça englobe tout ce qu'on a appris précédemment. C'est-à-dire? Le début de Jérémie. Voilà. Non, c'est pas dans le livre, ça, justement. Ah, d'accord. Il est la midiac, mais c'est pas, il n'y a pas de verse dessus. Non, en fait, c'est une feuille d'Azeïda qu'on va mettre, tu vois. Même, là, toi, tu vas répondre, toi. Quelqu'un qui ne sait pas, il va dire comment il sait. Comment moi, je différencie d'un verbe, d'un nom et d'un harf. Je ne connais pas les signes, moi. Parce qu'il n'y a pas de verse dessus. Même, Tani Bah, si, dedans, précédemment, t'apprends, c'est quoi Là T'as appris les harouf. Mais t'as pas appris c'est quoi comment t'arrives à différencier un harf D'accord, les alamats. Eh ouais, les alamats. Eh non, ils t'ont pas appris à différencier entre eux. T'as vu Ça va. Hadi Achar, y'a cool. Allahi, c'est Allahati. Attends, mais pourquoi alors le but là Pourquoi ils l'ont. Je sais pas. Hein Je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Ils l'ont mis par rapport à ce qu'il y a dans le Ders. Parce que dans le Ders, il dit quoi Aksam et Kelemet Salata. Harf. Wa fial. Wa ism. Dans le Ders, il en parle au Mdorris. C'est quoi Ayyen C'est des repères, distincts, c'est quoi Désigne. Désigne, hein Ayyena yu Ayyenu, c'est désigner quelque chose. Donc, Allahi, en fait, c'est Ism Mosul, qui veut dire Allahati, c'est-à-dire celle. Vous voyez, pour le Mouannas, Al-Jam. Il dit Atalibatu Allahati, tu peux dire Allahi. C'est la même chose. Kharajna min al-fasl al-an min Philippine. Donc les étudiantes qui sont sorties de la classe maintenant sont de Philippines. Mafhoum? Tayeb, sani asha, ta'mal ma yali. L'étape en quoi? Comment conjuguer un verbe qala? Qala, comment ça va venir plus tard? C'est un fi'l ajwaf. Tu te rappelles c'est quoi l'ajwaf? C'est quoi l'ajwaf? Ajwaf? Je sais que c'est un fi'l mahmouz. Kif qala? Non. Là. C'est pas un mahmouz. Non, mais je sais qu'il a... Il n'y a pas de hamza dedans. Le mahmouz, c'est celui qui a hamza. Akala, non, par exemple, akala. Akala, c'est un mahmouz. Oui, non. Mais c'est pas un ajwaf. Non, ça. Ajwaf, c'est quoi? Celui dont... طيب العين هو حرف عله لا لتكون مليوس يعني حرف عله هو الف هو واو هو يا ساجوف كما سامي ان شاء الله لا تكون مجاني نعم وكدي حامد قال فقال سيرفير اجوف بوكوا رجعت قال على وصف فعل وبطول وصف فعل اللي هو صعين سي لو الف طيب قال صعين سي لو الف صح اي لو دونك لا صعين سي حرف عله سي الف. Tu dis quoi? Anakultu. Tu dis pas anakalatu. Ça se dit pas. T'as tu dis anakultu. Pourquoi on dit anakultu, on ne dit pas anakalatu? Parce qu'on va avoir la rencontre de deux harf saakin. Mm. Si on laisse le alif, on va avoir le alif qui vient, qui est saakin, et ensuite le lem qui est saakin. On n'a pas le droit. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé harf illa. Donc, kultu à la oi wazn en fait. Anakultu. C'est quoi son wazn? C'est quoi son, sa mesure? Ana kultu, à la wazn, ana fultu. On enlevait la aïn. On enlevait la aïn. Kultu, mana, à la wazn, fultu. Là, il y a fulu. À la wazn, il y a fulu. Là, je parle de là dans le mandi. Quand tu dis ana kultu, ou plutôt anta kulta, quoi là. C'est pas ana kultu. Anta kulta, il manque une lettre là, en verbe. C'est quoi la lettre qu'on a enlevé? C'est l'alif. Et le alif, il représente quoi comme dans le wazn, dans le thème, dans la mesure? Il représente le aïn. Donc on enlève le aïn. À la base, on nous dit quoi? Ana ou anta fa'alta. Voilà, on enlève le aïn. Et le fa, on a mis une domma. On a dit ana ou anta fulta. Anta kulta, à la wazn, fulta. Vraiment? Taïeb. Anna kultu, à la wazn. Anna kultu, à la wazn. C'est quoi sa mesure? Le même que fait kulta. Fultu. Nahnu kulna, à la wazn. Fulna. Hamid kama, c'est pareil. Kama, kala, c'est la même famille, c'est l'ajwaf. Et celui dont le aïn harf illa. Tu dis Anna. Kumtu, à la wazn, ou plutôt anta, afwan. Pourquoi je dis ana? Il dit anta, kumta, à la wazn, fulta. Ana, kumtu, à la wazn, fultu. Nahnu, kumna, à la wazn, fulna. Maintenant, il veut que tu fasses pareil avec zara, yazuru. Hamid zara, qui veut dire visiter. Il est aussi adjouaf, comme tu vois. Son alif au milieu, c'est un alif. Donc comment tu fais dans le Mardi? Anta. Anta zurta. Anta zurta. Ana zurtu. Nahnu zurna. Naam. Donc avec ces trois personnes-là, voyez, le aïn y tombe. Et bien la wazn, fultu. Ou fulta, ou fulna. Ça y est, hada, ntaïna mina hada. On donne le nouveau mot, kalimat jadida. Istikbal. Istikbal, c'est le mazdar de istakbara istakbilu, qui veut dire recevoir. Misal, et son pluriel, c'est amsila, qui veut dire exemple. Adzamma, c'est quoi adzamma? C'est le truc qu'on connaît qui est au-dessus de lettre, qui fait ou, qui se prononce comme un ou. Hadara yahduru, qui veut dire venir se présenter, être présent. Raïs, et son djam, c'est l'ouassa. Raïs, c'est quoi? Un président. Une tête meneuse de quelque chose. Mahlan, on a dit c'est quoi? Je veux dire doucement. Oui, du calme. Al-Fatha, c'est quoi al-Fatha? C'est le trait qu'on a au-dessus d'un harf qui se prononce en A. Istarih. Istarih, c'est le amr, impératif de istaraha yastarihu, qui veut dire se reposer. Donc je dis istarih, maintenant repose-toi. J'irai bientôt. Inch'Allah, t'astarih, inch'Allah. Farkun, jam furuq. Fark, c'est déjà une différence. Al-fark bina hada wa hada, la différence entre ça et ça. Qismun, jam aqsam, catégorie. Ça peut être une division, ça peut être un rayon dans un magasin. Al-kasra, ma'ruf, c'est le petit trait qui est en dessous d'un harf qui se prononce i. Et ata ya'ti, ça c'est venir. Ça c'est venir. Donc, pour demain, on avait dit quoi? Juste le 1 à faire, inchallah les questions. Et on prendra l'exercice 10 en ajoutant وعلامات الكلمات أقسام الكلمات avec une مراجعة لعلامات النصب والجزم والرفع فإلى هنا والحمد لله رب العالمين